une île. Quelque part sur cette île, il semble que la terre écoute le frisson des vagues. Il semble que la terre écoute la naissance d'une onde fagissante, vacillante par vagues sortant de la mer. Vacillante par vagues sorties du ventre de la mer. Grande plage d'étoiles souterraines. Et sous cette étoffe de roches souterraines, la source devenue volcan. Ici, naît une lait. Quelque part sur cette île, pendant que le soleil se divise entre ciel et mer à 20 000 d'origine liquide, gît le sèche, de l'eau entre des pilotis, danse lentement sur elle. Quelque part sur cette île, quelque part. Il semble que la terre écoute le frisson des vagues, la naissance du monde vagissante, vacillante par vagues sorties du ventre de la mer, grande plage d'étoiles, et sous cette étoffe de roches souterraines, la source est devenue volcan. Ici naît une île, quelque part sur cette île, pendant que le ciel se divise entre ciel et mer par la ligne d'horizon liquide, gicle sèche de l'eau contre des pilotis, danse lentement, se veille. Et sous cette étoffe de roches souterraines, la source devenue volcan. Ici, naît une île. Quelque part sur cette île, pendant que le soleil se divise entre ciel et mer par la ligne d'horizon liquide, gît le sèche de l'eau entre des pilotis, d'entrée lentement ses rêves. Quelque part sur cette île, quelque part, il semble que la terre écoute les soupçons des vagues, la naissance du monde vagissante, vacillante par vagues sorties du ventre de la mer, grande plage d'étoiles, et sous cette étoffe de roches souterraines, la source devenue volcan. Ici naît une île, quelque part sur cette île, pendant que le ciel se divise entre ciel et mer par la ligne d'horizon liquide, gicle sèche de l'eau contre des pilotis.